se surprenie. Thank you. kabala ai abone me la yame na ndo ye kuwiri mambwe elata meme uti metelo bijose kabungu isabe matela kuwiri mambwe elata meme uti metelo jesco de langu bebe kanza Yeah.

Nino Yabuna. Jean-Marie Indela. Segeta, Segeta. Okay, Kabamba. Aya, aya, va chegue. Chasse masegeta. Tuli tuli mame, Dombolo ya solo. Oh, Celle-là, elle s'appelle Monica, la chef d'un du groupe, quoi. Monica Céleste. Monica, on de grands cuisiniers.

sympathique, Marie-Hélène Boisier. Yeah. English and Terminator. Three times. Allons-y. Bonne opération Dragon. Ramadan.